L'usine renaît de ses cendres comme Phoenix. Déplace les montagnes comme Obélix. Enraciné comme l'arbre qui tient les cerises. Derrière nos yeux, le Z qui te fixe. J'détruis tout pour mieux reconstruire et le retranscrire. Me sauver de moi et soigner les gens. J'ai l'oreille malade et le palpitant qui transpire. Je ne cesse de grandir, mais mon parler n'est pas élégant. Je vais pas m'infiltrer, mais je vais insister. Que leur système s'estompe, je suis déjà un suspect. Il est l'heure pour moi et mes collaborateurs. J'dégaine l'arme dissimulée sous mon gros paletot de rappeur. Qui croyait que la secte OZ était terminée. Y'a que des têtes de cons qui arrêteront jamais de persister. On fait du rap cru, meilleur pour la santé. Ils veulent tous la recette depuis que mon clan s'est absenté. On a encore 2-3 petits trucs à régler. C'est trop de musique à faire, je crois que je pourrais jamais m'arrêter. On est nombreux et on a faim, jusqu'à la fin. On se réunit entre assassins. On a une chose à prendre, mais quand on parle on ne voit rien. Je suis mon pire ennemi. Brique par brique, je vais construire l'envers de la pyramide. J'élève les miens, je sors de l'ombre pour la renaissance. Afin d'atteindre la reconnaissance. Cherche pas. L'usine renaît de ses cendres comme Phoenix. Déplace les montagnes comme Obélix. Enraciné comme l'arbre qui tient les cerises. Derrière nos yeux, les ailes. J'suis de retour comme le mauvais temps. Comme le bon rap que t'aimais avant. Du bon popo de la PR sans oublier l'Afghan. J'suis comme PK, j'rappe le cœur battant. Pour tout baiser, on est toujours partant. C'est toujours la même, les HLM, les problèmes, le système, les trahisons, les je t'aime. Les mêmes clichés à l'antenne, des gens qui meurent par centaines. Y'a peu d'amour et trop de haine, trop de violeurs à petite peine. Les rumeurs, les petites chiennes, le retour à la cité. Le train de vie, les ennuis, le sang qui coule sur parvis. Les allers-retours ont son prix, les arrachés en moto. Le poteau parti trop tôt, le daron qui se casse le dos. Avant de partir, fais l'auto, toujours la même au bistrot. Le PMU, l'amigo, une bagarre pour une petite go. Fais pas rodave au bigot. Y'a ceux qui meurent, y'a ceux qui naissent, y'a ceux qui pleurent. Y'a ceux qui blessent, y'a ceux qui disent ramène la caisse. Elle donne ses fesses, une ligne de cesse. L'usine renaît de ses cendres comme Phoenix. Déplace les montagnes comme Obélix. Enraciné comme l'arbre qui tient les cerises. Derrière nos yeux, le Z qui te fixe. L'usine renaît de ses cendres comme Phoenix. Déplace les montagnes comme Obélix. Enraciné comme l'arbre qui tient les cerises. Derrière nos yeux, le Z qui te fixe. Je renaîtrai de mes cendres comme le phénix, je rampe. Si je relève la tête, l'élite lance. Pétrole de la haine pour contrôler la plèbe. Ils les ont pleines, y'a 15 piges. Ils sont investis sur l'islamisme, sur la liste. Ils atteindront bientôt le dernier homme humaniste. Et renaîtra de ses cendres comme le phénix flambe. La vie est dure, on espère que la mort est tendre. J'ai musclé la tête, je défoncerai cette hélice. Même si la tâche est pénible. On traçait la ville au lieu d'avaler des livres. On aperçoit le phare mais le bateau est à la dérive. En retard au parlu à 200 sur le périph. La lune rit à la mort du phénix. Il revit dans la nuit, il est le soleil à son zénith. On mourra avant d'avoir ce qu'on mérite. On renaîtra de nos cendres comme le phénix. L'usine renaît de ses cendres comme phénix. Déplace les montagnes comme Obélix. Enraciné comme l'arbre qui tient les cerises. Derrière nos yeux, les ailes. On n'a jamais vraiment disparu comme le cœur d'un soldat. Noirci par la mort, besoin d'amour, mais ça colle pas. Ça revient au même, chercher la paix en déposant des bombes. Innocent du monde, on se fait discret en opérant dans l'ombre. Je m'éteins, je réapparais quand je veux. Le rap est mort, si tu l'écoutes sans les oreilles, le regarde sans les yeux. S'il tombe, je ferai renaître le Z, même si ça me coûte la vie. Une sale con, peut-être un rêve qui te coupe l'envie. J'ai des doutes, je m'ennuie quand je vois ce que les MC sont devenus. Ça me dégoûte, je m'enfuis d'ici, de ce monde de pute. L'usine, l'insecte, y'a pas d'arbre ou d'amateur. Tous illicites à l'intérieur, comme le sac à dos d'un arracheur. L'esprit de compétition est toujours présent, entre morts vivants. Tu crois que je suis dead, c'est là que je redescends. Je roule 2-3 grammes du plomb dans l'aile. Je m'envole comme l'oiseau de feu et je reviendrai quand le son t'emmène. Ne t'éloigne pas trop de Dieu, même. L'usine renaît de ses cendres comme Phoenix. L'usine renaît de ses cendres comme Phoenix. Déplace les montagnes comme Obélix. Enraciné comme l'arbre qui tient les cerises. Derrière nos yeux, le Z qui te fixe. L'usine renaît de ses cendres comme Phoenix. Déplace les montagnes comme Obélix. Enraciné comme l'arbre qui tient les cerises. Derrière nos yeux, le Z qui te vise.